était donc la vie. Se battre au soleil, se baigner dans l'eau claire d'une rivière, manger les fruits de la terre dans l'oubli total de l'effort et du travail. Eh bien, pourquoi pas? Se nourrit que de pain et de jeu, de vin et d'argent, quand l'effort à leur fait demande juste un effort. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre.